deuxième volet de notre série consacrée à l'histoire du Japon dans la Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, le documentaire. Après vous avoir parlé de l'art au Japon après la Seconde Guerre mondiale, c'était hier, nous allons nous attarder ce matin dans le documentaire d'Anaïs Quien et Séverine Cassard sur une grande figure de l'art du premier XXe siècle, Fujita, auquel le musée Mayol à Paris consacre une grande exposition à partir de la semaine prochaine. Fujita, le plus parisien de tous les Japonais, figure de l'école de Paris qui a subjugué littéralement le Paris des années 20. Une traversée des années folles avec Fujita ce matin jusqu'à 10h dans un documentaire d'Anaïs Quien et Séverine Cassard, avec les analyses de Sylvie Buisson, Catherine Delot, Michael Luquen, Anne-Lody Berder et les lectures d'Elsa Dupuis. Est-ce Fujita, en kimono que ni l'huile ni la gouache ne souillent ? Fujita suivant à travers les grosses lunettes l'application minutieuse de touches délicates ? Fujita au front couronné d'une sombre frange que la gloire commence à parfiler d'argent ? Fujita, fils de samouraï, et qui orne son foyer d'une photographie de vieillard portant l'uniforme des vainqueurs de Liao Tong ? Nous sommes au printemps 1965. C'est Fujita l'ermite qui vous parle depuis un petit village perdu quelque part en France. Nous allons monter à l'étage, découvrir l'atelier. On arrive au deuxième étage de la maison. Le dernier étage, les combles, que Fujita a transformé en atelier. Et ce qui est très émouvant, c'est que ce lieu est resté en l'état depuis la mort de l'artiste. Quand Fujita meurt le 29 janvier 68, Madame Fujita, dans les semaines qui suivent, interdit tout accès à cet espace. Donc quand elle a fait don au département de cette maison, nous avons découvert un petit peu le lieu, mais de façon étonnante, on a tout retrouvé. Toute l'œuvre de Fujita est dominée par la femme et aussi par les chats. Et il semble bien d'ailleurs que pour lui, ce sont là sujets analogues. Il excelle à exprimer les attitudes félines des uns et des autres. Mais ce qui est sans doute le plus curieux dans ses modèles, ce sont les regards, dont on ne sait dire s'ils sont profonds ou indifférents, pleins de pensées secrètes ou de néant. Les femmes et les chats de Fujita ont le regard vague et précis. Est-ce que de tels personnages épis surveillent leur proie ou suivent un rêve intérieur ? Toute peinture de Fujita reste mystérieuse, même ses paysages. Alors je prépare avec la peinture à l'huile pour avoir des surfaces, tout ce qui est lisse, comme les céramiques ou comme porcelaine. Alors ensuite, je prends de l'encre de cygne avec des pinceaux japonais, tout ce qui est plus fin, pour dessiner à l'eau. Voilà la grande difficulté, oui. Je ne vois pas comment l'eau prend sur l'huile. Alors c'est un secret professionnel, je ne raconte à personne. Fujita, le plus parisien des Japonais, une traversée des années folles. La jeune fille moderne est une petite personne à la page qui appelle Cocteau par son prénom, dit « c'est formidable » au lieu de « c'est épatant », commande son portrait à Fujita et apprend la psychanalyse avec un élève de Freud. Dans le Paris des années 20, Fujita est partout. Ses expositions font événement, Paris Match l'interroge sur sa maîtrise du jiu-jitsu, ses sorties sur les plages de Deauville font toujours sensation, ainsi que ses apparitions dans les bals d'artistes qu'il fréquente avec assiduité. Le peintre s'approprie la mode androgyne du moment pour rapprocher l'Occident de lui, ou peut-être est-ce l'inverse. Tsuguharu Fujita embrasse l'art et l'artisanat et se défait des frontières académiques. Tous les supports sont les bienvenus pour cet artiste frénétique. des petites aquarelles au mur de sa chapelle, de ses immenses odalisques aux boîtes d'allumettes. Il dessine, peint, photographie, filme, coud, tout en prenant la pose. Descendant d'une famille de samouraïs, cette figure de l'école de Paris a dû négocier ferme avec son père médecin militaire son départ du Japon pour conquérir Paris dans l'espoir de s'y faire un nom. Accroupi devant sa toile, un pinceau dans une main, une cigarette dans l'autre, Fujita apparaît inlassablement dans les photos de presse peignant des femmes, des paysages mélancoliques, des chats, des enfants aux yeux démesurés, mais aussi les scènes de bataille qui ont obscurci son image de dandy perpétuellement charmant et modéré. À cette époque-là, en 1913, il va s'embarquer pour Paris. Là, il est chargé déjà de toutes les études qu'il a fait aux Beaux-Arts de Tokyo. Sylvie Buisson, historienne de l'art et spécialiste de Fujita. Où il a commencé par étudier le Nihonga, c'est-à-dire la peinture traditionnelle japonaise, et ensuite choisi la peinture occidentale qui s'appelle le yoga au Japon, c'est-à-dire apprendre à peindre à l'huile. Au Japon, on utilise surtout le papier, la soie et la peinture végétale à l'eau. Donc, il étudie tout ça. Il arrive à Paris chargé d'un bagage très solide. Son père, en plus, l'a retenu au maximum. Son père, donc, est le général Fujita. C'est pas n'importe qui. C'est une personne très charismatique. Donc, ce jeune homme a voulu faire plaisir à son père en restant le plus longtemps possible au Japon et en même temps qu'il est armé pour partir. Donc, il parle français. Probablement pas un français extraordinaire, et il arrive à lire. Anne Le Dieberder, directrice de la maison atelier Fujita à Villiers-le-Bâcle. Il arrive à 27 ans, donc il est atteint par la limite d'âge, il ne peut pas s'inscrire à l'école des Beaux-Arts. Donc ce qu'il va faire, c'est prendre une carte de copiste au Louvre, il va copier inlassablement au Louvre. Et que voit-on au Louvre ? 90% des œuvres sont des œuvres religieuses. Donc il découvre la peinture à travers la peinture religieuse. Et donc ce que va faire Fujita, c'est qu'il va se créer tout un vocabulaire à partir de ce qu'il voit dans les musées. Et c'est vraiment un amateur de musées, c'est quelqu'un qui connaît très très très bien les collections. Quand il va dans une ville, il va d'abord dans un musée. Et comme il copie et comme il a une mémoire visuelle assez extraordinaire, il est capable d'utiliser un motif, un tout petit bout d'un tableau. Donc vous avez certains portraits qui sont frappants, qui rappellent Van Gogh. Entre autres, le portrait du Père Gachet. Donc cette posture très frontale, avec les mains croisées. Mais ce sera un petit garçon. Et derrière, le petit clin d'œil, en arrière-plan, ce ne seront pas des estampes à la manière de Van Gogh, mais au contraire, des moulins à vent. Ce n'est pas un pasticheur. Hein. C'est vraiment un artiste de citation qui rend hommage à la peinture occidentale. Et c'est peut-être un peu le malentendu que nous avons chez Fujita, parce que pour nous, les avant-gardes, c'est le cubisme, en tout cas en 1913, c'est l'abstraction. Or, Fujita n'est pas intéressé par cela. Il est intéressé par la figuration, parce que pour un Japonais, la modernité, c'est la figuration. Pour un Japonais, la modernité, c'est d'arriver à retranscrire le nu académique, qui n'existe pas, ou quasiment pas, mis à part quelques tableaux de Kuroda Seiki, le nu n'existe pas dans l'art japonais. Et donc lui va s'emparer justement du nu académique et va s'emparer de l'odalisque. La modernité chez Fujita, c'est ça, parce qu'il a quand même un regard japonais quelque part. Vous vous êtes en quelque sorte laissé imprégner, ne serait-ce que de l'air de Paris. Que vous a-t-il apporté ? Mes amis, pour le bon et pour le mauvais aussi. 1953. Quel le mauvais ? Qu'est-ce que vous appelez le mauvais ? Des sujets de bagarres, des choses, des disputes à Montparnasse, tout ça. Ces disputes qui étaient des disputes esthétiques, que j'imagine. C'était pour la Modigliani et Kissling battait tout le temps. Alors c'est moi qui a séparé parce que je connais le jiu-jitsu, j'étais 12e degré de ceinture noire. Alors Modigliani vraiment sait que maintenant je sais le jiu-jitsu, alors il m'a respecté. Alors, il bénéficie du fait que les hommes français sont à la guerre pour nouer des liens tout à fait privilégiés avec tout le cercle de ces artistes étrangers réfugiés à Paris qui échappent à la mobilisation. Michael Luquen, historien et spécialiste des cultures de guerre au Japon. Ce qui fait qu'il va rencontrer Soutine, Picasso ou Modigliani. Et par conséquent s'intégrer très vite dans un cercle de jeunes artistes, jeunes peintres, brillants et qui crée l'art de l'époque. Et c'est vrai que dans les premières aquarelles qu'il va montrer en 1917, pendant la guerre, à tous ses amis de Montparnasse qui ne savent pas ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans les cafés, il danse, il chante, il parle de Japon, mais il ne parle jamais de ce qu'il fait en réalité, parce qu'en réalité, ce n'est pas très bien. Il cherche. Il cherche. Il est dans l'expérimentation la plus totale. Et le jour où il va commencer à accrocher ses premières peintures à la galerie Chéron, qui est le marchand de Modigliani et de Soutine, les gens sont étonnés. Picasso reste pendant 3 heures dans l'exposition, il se demande ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce japonais qui fait ni du japonais, ni de l'école de Paris, entre guillemets, qui ne s'appuie pas sur lui, parce qu'il est tellement l'habitude, Picasso, de voir des cubistes qui naissent autour de lui. Ben non, c'est pas ça, c'est autre chose. Et en même temps, on sent un peu l'influence de Brancusi, on sent l'influence un peu de Modigliani, on sent un peu l'influence de Picasso. Mais c'est très loin, c'est vraiment un autre. Il va abandonner ses projets de mariage avec sa première fiancée japonaise qui l'attendait au Japon. Absolument. Et rencontrer une première femme à Paris dans ces années-là. En réalité, il devait venir pour 3 ans. Le contrat avec son père, c'était 3 ans d'études à Paris avec une belle rente pour revenir au Japon et être le grand peintre Fujita, du clan Fujita, descendant de la famille impériale Fujiwara, enfin bref. On faisait partie de l'establishment japonais. C'est pas du tout ce qu'il va faire. Il était fiancé effectivement avec une jeune femme merveilleuse qui était créatrice elle aussi, styliste comme lui. Et ils étaient promis un bel avenir tous les deux. Elle aurait dû arriver en France, elle n'a pas pu. Elle ne pouvait pas prendre un bateau et arriver en pays en guerre. Elle l'a attendu, ils auraient dû se retrouver peut-être à New York. À un moment donné, il était question qu'ils se retrouvent aux États-Unis, puis Fujita n'a pas pu quitter la France. Bref, il demande à son père de rompre ses fiançailles en 1916, et il rencontre Fernande Barré, donc en 1917 à la Rotonde. C'est une femme très entreprenante, qui est en même temps modèle, artiste. Elle a été entraîneuse aussi. Enfin, à l'époque, les femmes de Montparnasse qui arrivaient un peu de leur campagne, puisqu'elle est picarde à la rive du nord de la France, avaient une vie très libre et très libérée, donc... On a sans doute pensé qu'elles étaient des femmes de mauvaise vie quand on les voyait d'un œil un peu bourgeois, la société environnante. En réalité, pas du tout. Elles étaient simplement là pour gagner leur vie. Et en même temps, elles se rendaient compte qu'il y avait autre chose, il y avait de l'art au milieu de tout ça. Ça les attirait. Quand elles avaient un petit don, elles rentraient dans les académies, elles se mettaient à peindre. Donc Fernande peignait, pas si mal que ça. Mais Fujita l'a surtout trouvée très attirante parce que extrêmement positive. Et elle va être pour beaucoup dans le début de sa carrière. Puisque c'est elle qui va lui présenter le marchand Chéron, Georges Chéron. Il va garder des liens avec la communauté japonaise de Paris. Il dit à son père qu'il faut le considérer comme mort jusqu'à ce qu'il devienne célèbre. Donc c'est une façon aussi de dire « tu entendras parler de moi » et de façon positive. Son rêve, c'est d'être le premier peintre de Paris. Donc il va monter aussi une stratégie médiatique. Anne Ludie Berder. Je suis convaincue que c'est quelqu'un qui a compris l'importance de la presse, l'importance également des actualités cinématographiques. Il a compris également qu'il faut qu'il soit identifiable physiquement pour qu'on ne le confonde pas avec un Kawashima, un Sanyu, puisqu'on le confond même avec des peintres chinois. Donc il va s'inventer réellement une figure et il va s'inventer un personnage. Et il se met en scène. Tout le monde aujourd'hui connaît Fujita. On rencontre à Deauville sa silhouette bien parisienne parmi les baigneurs internationaux. Les photographes et les opérateurs de cinéma le poursuivent et le saisissent dans toutes ses attitudes. Il est aussi caricaturé qu'une vedette de music hall. On lui demande son opinion sur la mode, on le harcèle de toute manière. Il fréquente les salons où son exquise courtoisie extrême orientale lui vaut maint succès. Tout cela, qui est la rançon mondaine de la gloire, n'est guère propre à le faire comprendre. Tout au contraire, car rien n'égare davantage l'opinion sur la personnalité d'un artiste que cette réputation, si je puis dire, de seconde main, faite de malentendus très flatteurs, certes, mais qui n'en reste pas moins des malentendus. Et les seules images que l'on ait actuellement de Fujita, c'est quand on parle des années folles et on le voit toujours intégré dans le côté fantasque, baroque de cette période et pas du tout comme un travailleur acharné. Or, c'est un travailleur acharné. C'est quelqu'un qui ne va pas au bout des fêtes. Il se présente, il s'exhibe d'une certaine façon, puis il repart travailler. Et c'est très très intéressant de voir combien Fujita était un dandy et combien il a été inspirant pour la mode. On a des photos assez étonnantes aussi. Donc c'est une photo de Fujita avec un mannequin avec à son image, à son effigie. Tout à fait, qui devait être au bon marché apparemment. Donc vous voyez, il a les mêmes boucles d'oreilles, les mêmes lunettes rondes. Donc on reconnaît à peine, hein, ils sont tellement similaires, il est un tout petit peu plus grand le mannequin. Mais Fujita était une véritable gravure de mode. Il portait des guêtres, il jouait sur les textiles et il faisait quelque chose que Kenzo Takada va reprendre en 68. Il va jouer sur ces différences de rayures et de carreaux et il va l'importer dès les années 20. Et Fujita était couturier, et c'est ça aussi qui est très intéressant. Il cousait ses propres vêtements. Il a travaillé chez Selfridges quand il était en Angleterre en 1915. Et nous avons des vêtements et des chemises en particulier. Et c'est très très difficile d'identifier un vêtement fait par lui ou pas. Et nous arrivons à le repérer parce qu'il laisse des points de bâti comme on le fait au Japon. Donc on arrive à savoir que c'est lui. Et il lui arrive d'acheter une marinière et de copier le modèle et de refaire la marinière avec des tissus qu'il choisit lui-même et qui sont plutôt proches de la culture japonaise. Et puis en 1928, il a également dessiné des tissus. Les modes. Paris, décembre 1929. Modèle de la maison Premet. Rose des vents. Robe d'après-midi en crêpe georgette et velours beige rosé tissé d'après les dessins de l'artiste japonais Fujita. C'est un asiatique quand même un peu matiné d'occidental, parce que cette frange, en réalité... Sylvie Buisson. Ce sont les paysans russes qui se coupent au bol, comme ça. Et il a plutôt piqué ça à ses amis russes qui étaient à Paris. Kissling aussi était coiffé avec une frange. Zadkine, à un moment donné, a eu cette frange aussi. Après, il s'est mis les cheveux sur le côté, mais ce côté un peu bolchevique, révolutionnaire, rebelle, ça lui a beaucoup plu. Non, il mélange un peu vraiment tout, Fujita, hein. Il a une démarche extrêmement particulière, extrêmement féminine en réalité. Il aurait pu, et il le fait d'ailleurs quand il se déguise, s'habiller en femme très facilement. Il y a deux personnages chez Fujita, et c'est aussi assez japonais dans l'esprit. C'est qu'il y a l'apparence, et puis il y a le réel, c'est-à-dire le en soi. Et chez Fujita, c'est très dissocié. Il va se créer un véritable personnage qui est son look, qui est celui qui va travailler d'ailleurs beaucoup avec son autoportrait, qui va répéter toute sa vie. Il s'aime, hein, il est beau, il a un visage un peu de Bouddha, avec des yeux particulièrement fascinants, et sa bouche très régulière. Et il se rend compte effectivement que ça prend, que ce charme opère. J'ai eu le coup de foudre. C'est inexplicable. Avec sa frange noire, vous savez, sur le front, il était beau comme un dieu, ce Fujita. 26 février 1959. Ma première impression, c'était le grand tableau qu'il était en train de préparer pour le salon d'automne. C'était un immense tableau qui représentait 5 nus. Et je me suis dit, mais il a un talent fou en plus. Car je ne m'étais pas du tout occupée de savoir s'il était peintre, s'il avait du talent. Vous comprenez, j'avais le coup de foudre. Il aurait pu être, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Il me plaisait. C'était en 23. Elle s'appelle Lucie Badoud, elle est belge. Et au moment où Fernande quitte Fujita, pour brosser un peu sa chronologie, c'est comme ça que ça se passe, Fernande va se lasser du travail de Fujita. En réalité, elle est beaucoup plus souvent dans les cafés que Fujita. Et elle s'ennuie un peu, Fernande. Donc elle va rencontrer un autre japonais à la rotonde et elle va quitter Fujita. Et Fujita va se consoler avec Yuki, qui est une femme absolument délicieuse, qui n'a pas 20 ans, qui est belge, qui a la peau aussi blanche que les peintures qu'il est en train de peindre. Et cette Yuki, donc, il va l'intituler Yuki, c'est-à-dire neige, en japonais. C'est Fujita lui-même qui la surnomme. Qui la surnomme. Et elle va abandonner son prénom avec grand plaisir. Et elle va être vraiment fascinée par cet artiste, qui va la peindre sous toutes les coutures, on va dire. Mais c'est pas elle qui lui a donné l'envie de peindre blanc. Le blanc qui va rentrer dans la peinture de Fujita, en réalité, va rentrer en 1921. 21, c'est la période où il va avoir suffisamment d'argent pour s'acheter tout le matériel qui va lui permettre de peindre sur toile. Alors qu'en réalité, entre 1914 et 1921, il va beaucoup peindre sur papier ou des très mauvaises toiles, parce qu'il n'a pas d'argent. Et la première peinture qu'il va faire de Yuki, c'est un nu allongé dans la neige. Et au pied d'Yuki, il installe un chien qui ressemble à Anubis, le dieu de la mort en Égypte. le bal de l'AAAA, aide amicale aux artistes, qu'organise chaque année Madame Gustave Kahn, se prépare activement. Une affiche signée de Fujita l'annoncera bientôt sur les murs de Paris. Il y aura des cortèges, des numéros inattendus et inédits. Il y aura des travestis spirituels et beaucoup de gaieté. Il y aura foule et aussi une belle recette pour l'œuvre de l'AAAA. Nous pouvons l'annoncer. Ce soir-là, il y avait un bal masqué. Et Fujita avait décidé de se déguiser en lutteur forain. Il avait un maillot rose des plus ravissants à la Marie-Laurence. Et il avait mis des fausses médailles, forcément, vous savez, comme les lutteurs forains, quoi. Et il dit, oh, c'est épatant, je vais mettre ça, ça va faire bien avec. Alors je lui ai dit, mais non, Fujita, il ne faut pas faire ça, parce que c'est une vraie médaille, ça, tu comprends, c'est... Alors il me dit, mais puisqu'on me l'a donné, il ne comprenait rien. Et il boudait, il n'était pas content, il était furieux. Et nous avons appris les tout premiers, à danser le Charleston. Et Fujita danse cette chanson, je danse cette chanson, Van Dongen danse cette chanson. Parmi les costumes qui ont obtenu les principaux prix, remarquons d'abord Henri Ramet, Marguerite Henry et Dreyfus Stern, conduisant un amusant cortège exotique. Puis voici Fujita en femme moderne, Lotiron en explorateur, Witkoff en gros bourgeois du dimanche, Gerda Wegener en arlequine vénitienne, Suzanne de Sainte-Croix en paysanne serbe et d'autres travestis par centaines sous lesquels nous reconnaissons Guilhem, Madame Marval, Kissling, Mandelstam, Odé, etc. Ce milieu de Montparnasse l'amusait beaucoup, l'intéressait beaucoup, mais il ne buvait pas, lui, par exemple. Jamais Fujita n'a bu autre chose que de l'eau minérale. Alors, naturellement, quand il y avait des petites fêtes un peu bruyantes, il s'en allait, ça n'amusait pas. Ce qui l'amusait, c'était de voir ses amis, d'aller dans leurs ateliers et de les recevoir dans le sien d'atelier. Le Gaulois artistique, 24 juillet 1928. Je passerai volontairement sous silence cette vente qui eut lieu le 14 juin à l'hôtel Drouot, où, à côté de deux belles œuvres de maîtres modernes, s'étalait quantité de ces informes et scandaleux barbouillages qu'une association de mercantis voudrait nous imposer quand même pour en tirer fortune. Mais j'y reviendrai bientôt, car il faut se défendre autrement que par le mépris contre cette marée de hideurs qui tente de submerger notre goût sous ces vagues fangeuses. Il importe que le public, que je mets en garde depuis plusieurs années, se sentent soutenus et protégés de l'envahissement sournois d'une école de dégénérescence et de dégénérés dont on voit en France la lamentable contagion gagner les affiches et les magasins de certains commerçants, presque tous étrangers d'ailleurs. Au fond, ce que veulent ces gens-là, les Picasso, les Soutine, les Matisse, les Rouault, les Braque, les Vlaminck, les Utrillo, les Chagall, les Derain, les Gris, les Picabia, les Fujita, les Van Dongen et autres métèques bolchévistes, c'est avilir ce qui était jusqu'ici l'orgueil et la gloire de notre race, et tuer en nous les qualités de clarté, d'esprit, de mesure, apanage du génie français. Le surréalisme, à un moment donné, le tente, et il charge sa femme Yuki d'aller voir un petit peu ce qui se passe à la librairie surréaliste. Il a eu cette intuition que ce surréalisme pouvait apporter quelque chose d'important dans sa vie. Il va peindre des peintures extraordinairement surréalistes en 1930, mais il va en avoir un peu peur. Il sent qu'il est un peu dépassé par quelque chose, là. Foufou, comme nous l'appelions, avait un majordome chauffeur cuisinier qui lui préparait son thé. Il se plaisait là et ne fréquentait guère les autres étages, et notamment le bar très moderne où Yuki servait des cocktails aux amateurs toujours nombreux. Fujita ignorait ce que c'était qu'un impôt. C'est alors qu'il connut ses amis. Son domestique Saito le quitta en emportant quelques billets de 1000. Les tableaux furent déménagés à la cloche de bois et placés dans un atelier de la rue Campagne Première. Après, effectivement, il est rattrapé par le fisc français. Il n'a pas déclaré ses ventes de tableaux dans les années folles. Et là, je pense qu'il a été rattrapé aussi par une vague de redressements fiscaux, surtout sur les artistes étrangers, comme par hasard. Parce que Zadkine a été victime aussi d'un redressement fiscal de ce type-là, qui équivaudrait aujourd'hui à peu près à 800 000 euros, ce qui est quand même énorme. Fujita, pour mes 21 ans, m'a offert une automobile. avec un chauffeur. Elle n'était pas très contente. Le chauffeur, vous comprenez, pouvait rapporter ce que j'avais fait. C'est un peu comme dans Marcel Proust, vous savez, dans La Prisonnière. En somme, c'est grâce à Fujita que j'ai connu Robert Desnos. La rencontre de Fujita avec Robert Desnos et sa femme avec Robert Desnos et l'amour qui s'est développé entre Yuki et Robert Desnos. Il a ressenti au départ comme quelque chose de presque normal. Ces deux êtres sensibles, intelligents, de même âge, qui avaient une quête commune qui était celle du dire littéraire, puisque Yuki était une fille instruite, érudite même. Donc voilà, Fujita à un moment donné se dit « je ne peux pas continuer à vivre cet amour qui progresse trop ». Donc il y a un moment donné où effectivement, le fait qu'il ait rempli sa mission à Paris, qu'il ait trouvé un style extrêmement fort et qu'il allait pouvoir amener autour du monde, lui a peut-être donné envie effectivement d'aller faire un tour ailleurs. Donc il fuit Paris avec son dernier modèle qui s'appelle Madeleine, qu'en réalité on voit arriver dans les peintures en 1928. C'était le modèle de Rhin que Florent Fels avait présenté à Fujita. Cette Madeleine était très jolie, elle était danseuse, elle était entraîneuse aussi dans le lupanar qui s'appelle le Sphinx à Montparnasse. Et cette Madeleine va être la compagne de Fujita d'une exploration extraordinaire qui va le mener dans tous les plus beaux lieux d'Amérique latine. Une exposition d'œuvres de Fujita vient de s'ouvrir à Montparnasse. Fujita n'assistait pas au vernissage. Et pour cause. Fujita, depuis plusieurs mois déjà, a quitté Paris. Il est parti un jour assez mystérieusement, appelé, semblait-il, par un autre destin. Il s'est embarqué pour l'Amérique du Sud, mettant l'océan entre ce qui avait été sa vie jusqu'alors, cette vie si brillante qu'il aimait, ou tout au moins dans laquelle il se plaisait, et un inconnu dont seul il connaît aujourd'hui le secret. Arrive-t-on à savoir pour quelles raisons il décide de rentrer au Japon au tout début des années 30? Je crois que la question financière, elle a été centrale. Il n'avait plus d'argent, il avait un gros redressement, il a un petit peu sans doute voulu échapper au fisc. Michael Luken. Et il pense qu'il va bénéficier de sa notoriété acquise en Occident, puisqu'il est aussi réputé aux États-Unis. Et ça ne marche pas aussi bien qu'il aurait voulu, ce qui l'amène à entreprendre toute une série de voyages. Ce n'est qu'en 1934, là où il rentre véritablement au Japon, qu'il y a là une installation un peu plus durable et une inscription plus forte dans le milieu de l'art japonais. L'empereur japonais, à l'époque, veut prouver que le Japon est le pays le plus évolué d'Asie et veut essayer de convaincre toute l'Asie de le suivre. C'est-à-dire la Corée, la Chine, toute la Russie de l'Est, et puis toute la partie, même jusqu'en Indonésie, se soumettent au Japon. Mais quand même, il attaque la Russie, il attaque la Corée, et il gagne les deux guerres. Bon, Fujita est appelé à collaborer avec l'armée japonaise pour dessiner ou peindre les premières affiches de propagande. On l'envoie déjà sur le front en 1938 et ça lui déplaît fortement. Donc il embarque sa nouvelle femme qui s'appelle Kimio, qu'il a rencontrée après la mort de Madeleine. Madeleine meurt en 1936 d'overdose à Tokyo, malheureusement. Elle a 30 ans. Donc il se console avec Kimio et cette Kimio donc, va l'accompagner dans ce voyage à Paris en 1939 où il espère fuir la guerre qui s'empoindre au Japon. Donc il essaye de se réimplanter à Paris en 1939 avec elle, à Montmartre, parce que Montparnasse est encore le fief de Yuki et de Fernande, ses deux premières femmes, et il ne veut pas se confronter à elles, surtout que Kimio souffre de ça. Mais il reste quand même jusqu'à mai 1940, jusqu'à ce que la Wehrmacht soit aux portes de Paris. Ils vont prendre avec Kimio et un certain nombre d'artistes japonais avec qui il vit beaucoup à cette époque-là, il vit vraiment entre japonais à Paris. Ils vont prendre le dernier bateau à Marseille. Après, il n'y en aura plus. Et ils arrivent à Tokyo, en 40 toujours. Sur le quai du bateau, tout de suite, Fujita est embarqué par l'armée japonaise. Ils viennent le chercher. On va le transformer en militaire. On va lui couper les cheveux. Enfin, il va même se couper les cheveux. Enfin, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé. Mais pratiquement du jour au lendemain, il va être embrigadé, il va être enrôlé comme le représentant donc, des peintres japonais officiels de la Grande Guerre d'Asie. Quand la guerre éclate en 1937, il va en effet assez rapidement travailler avec les armées, puisqu'il est sollicité, étant un peintre connu, pour représenter des scènes de guerre. Il va le faire d'une manière assez en ligne avec son travail précédent, des grandes toiles très colorées avec des couleurs très claires, fraîches, donc vraiment dans son style fin des années 20 et 30. Et c'est dans un deuxième temps, après une tentative, comment dire, de fuite, qu'il va véritablement se mettre à devenir ce grand peintre d'histoire. Je ne suis pas sûr qu'il soit un peintre de guerre japonais, je crois qu'il est d'abord le dernier grand peintre d'histoire dans la grande tradition de la peinture d'histoire occidentale. Et la manière dont il peint montre bien qu'il dialogue avec Delacroix, avec Velázquez, avec Mantegna, il discute avec ces gens-là, pas avec Picasso et l'école de Paris, qu'il a très bien connue, mais d'une certaine manière qu'il rejette. Ce sont des peintures qui ont été montrées à un nombre considérable de personnes. Les plus grandes expositions de peintures de guerre à cette époque ont drainé des millions de gens. Des gens qui n'étaient jamais allés dans les musées à l'époque, on amenait comme ça des gens par groupe entier pour voir ces œuvres qui étaient à la fois des œuvres et des cénotaphes, hein, des lieux de commémoration, de deuil, hein, puisqu'elles montraient essentiellement des hommes en train de se battre dont on savait qu'ils allaient mourir dans la seconde suivante. Hein. Il y a même l'exemple d'une œuvre qui s'appelle donc « Mort héroïque aux îles Attu », le nom d'une bataille dans les Aléoutiennes. On sait qu'il y avait une petite boîte à offrandes qui avait été mise devant. Donc leur statut était ambigu. Donc, c'est une œuvre qui n'a jamais été montrée en dehors du Japon. Pendant plus de 20 ans, elle a été stockée dans un entrepôt de l'Ohio lorsque les Américains ont saisi les peintures de guerre japonaises, mais elle n'a jamais été exposée. C'est une œuvre de grand format, c'est un 120 figures qui est coupée par une diagonale qui oppose les deux armées, donc des Japonais du côté gauche et des Américains du côté droit, mais on ne voit au premier abord qu'une sorte de magma boueux, de corps enchevêtrés qui s'entretuent. D'un côté, on a des hommes qui sont en partie mourants ou morts, ce ne sont pas les Japonais, ce sont bien les Américains dans la peinture, et de l'autre côté, à droite, on a des hommes qui sont en pleine action, qui sont en train de tuer leurs ennemis, même si on sait que dans la réalité historique, et le spectateur à l'époque le savait, ces hommes qui sont figurés en train de massacrer d'autres sont ceux-là même qui ne reviendront pas, puisque les vainqueurs ont été les Américains et ceux qui ont perdu ont été les Japonais. Et cette grande défaite a été l'occasion d'un changement radical de la propagande japonaise. Donc on reconnaissait que les gens étaient morts, mais on disait qu'ils étaient bien morts, qu'ils étaient morts héroïquement. Donc on est dans un grand éloge du martyr qui commence à se mettre en place en 1943 et dont cette bataille et cette toile en sont les principaux vecteurs. Nous sommes à Tokyo, à l'intérieur de l'enceinte où se déroule l'un des plus grands procès de l'histoire, celui des criminels de guerre japonais. 1er septembre 1956. Après l'heure de la défaite, c'est aujourd'hui l'heure de l'expiation et 32 grands criminels de guerre japonais répondent aujourd'hui de leurs actes devant un tribunal international où siègent les représentants de 11 nations alliées. Pendant des décennies en fait, le rapport du monde artistique japonais avec Fujita a été problématique parce qu'il a réalisé comme ça de grandes toiles qui exaltaient le sens du sacrifice. Parce qu'au fond, même si on a tant dit qu'elle était japonaise, est-ce que c'est une bonne valeur? Ça a évidemment été remis en cause beaucoup dans les années immédiates après-guerre. Donc Fujita a été d'une certaine manière mis de côté, mais lui-même a joué un rôle ambigu, sans doute aimait-il trop le pouvoir, sans doute, ou en tout cas la reconnaissance plutôt que le pouvoir. Et voir qu'on lui reprochait d'avoir travaillé avec l'armée à une époque où tout le monde a travaillé avec l'armée. Il n'y a pas, en tout cas, de voix qui se sont opposées. Il y a des gens qui sont restés en marge, mais tout le monde a participé à l'effort de guerre. Mais simplement, lui avait réussi. Il était un porte-parole, il était quelqu'un qui avait pu profiter, au fond, des commandes militaires. On avait bénéficié matériellement avec des commandes, avec un certain confort que d'autres n'avaient pas eu. Peut-être que c'est encore plus de la jalousie, d'une certaine manière, qui a pesé sur lui. Bon, voilà, on a quelques objets qui sont assez étonnants, comme par exemple les maquettes. Anne Le Dieberder. Cette maquette qui est intitulée Notre maison, qui date de 1946, que Domo Ken, grand photographe japonais, a photographié l'année précédente. C'est en fait un ex-voto. C'est le moment où Fujita veut vraiment rentrer en France et il va ramasser un petit morceau de bois flotté. Son épouse nous a raconté qu'il se promenait dans la baie de Tokyo. Il ramasse cet objet et à partir de ce simple bout de bois, il va constituer une sorte de petite maquette et il va restituer de mémoire un résumé, une synthèse de toutes les maisons qu'il a occupées en France entre 1913 et 1931. Il se sent exilé, un exilé de l'intérieur d'une certaine façon, et c'est vraiment le vœu, le côté ex-voto est quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui connaît bien les ex-voto, entre autres de Bretagne, et vous avez sur le côté de véritables ex-voto rapportés de son voyage en Amérique latine. Il y a un personnage qu'il ne faut pas oublier dans la vie de Fujita qui s'appelle Georges Grosjean, qui est un grand reporter, Sylvie Buisson, qui est à Tokyo en 1946, qui va beaucoup, beaucoup l'aider à se réadapter ensuite à Paris. C'est chez Georges Grosjean qu'il va s'installer, place Saint-Fargeau, quand il va débarquer gare Saint-Lazare. Il y a un comité d'accueil qui est très dur quand il arrive justement dans le train. On ne laisse même pas descendre sur le quai, les journalistes montent dans le train et lui posent des questions sur ses activités pendant la guerre. Sa femme est très marquée, Kimio est très marquée là aussi, parce qu'elle se demande ce qu'elle va pouvoir faire en France s'ils sont accueillis comme ça. C'est terrible cet accueil. Et c'est Georges Grosjean qui va devoir faire le coup de poing contre les journalistes pour les libérer, les mettre dans un taxi et voilà. En fait, il s'installe d'abord rue Campagne Première, dans son quartier du Montparnasse, et il va rencontrer un très jeune artiste, Yase Tabuchi, qui est proche du mouvement Cobra, qui vient l'interviewer en fait, et les deux hommes sympathisent. Et Yase Tabuchi, qui est un jeune marié, et sa femme attend des jumeaux. Et donc il faut trouver un lieu un peu plus grand, et surtout un espace pour travailler. Et Tabuchi va trouver un corps de ferme tout à côté de Villiers-le-Bâcle, dans un petit village qui s'appelle Voalan, un petit peu au-dessus de Bièvre. Et Fujita va fréquenter Tabuchi, va souvent le voir, et va lui demander de trouver une maison de campagne au départ. Cela fera bientôt 5 ans que j'habite dans ce paisible village. J'ai peu de visiteurs, je fuis les gens de manière générale. Je me tiens à l'écart de la ville et je vis seul avec ma femme. Hormis le temps que je passe à peindre, le reste du temps, j'occupe mes journées à entretenir ma maison et mon jardin. Donc c'est Tabuchi qui va lui trouver cette petite maison à Villiers-le-Bâcle. Et c'est une maison quasiment en ruine. Et il va faire une année de travaux. Et c'est Yase Tabuchi qui va l'aider à trouver des artisans, qui sont tous des artisans du coin. Et Fujita va s'improviser architecte. Une corde qui manquait à son arc. Voilà, tout à fait. C'est quelque chose qui pose quand même quelques problèmes. Hein. Même cette maison est fragile à cause de cela. Il va éventrer, en fait, la maison complètement côté jardin. À la japonaise, il va faire rentrer le jardin dans la maison. C'est assez surprenant parce que vous avez un côté avec des grandes baies vitrées et de l'autre côté, des petits carreaux, puisqu'il respecte le côté vernaculaire de cette maison qui passe tout à fait inaperçu. On peut passer devant sans la voir, sans l'identifier. Et en fait, on s'aperçoit en y rentrant que ce qui est important pour Fujita, ce sont les objets. Et la profusion d'objets. Tout à fait. Alors, c'est quelqu'un qui chine depuis très, très longtemps, dès les années 20. Et puis, il est fasciné par des objets qui lui rappellent parfois son Japon natal. D'autres fois, c'est simplement un matériau qui l'intéresse ou quelque chose d'amusant. Et ces objets-là, nous les retrouvons dans ses arrière-plans de tableaux. Et ce qui est très amusant, c'est de voir que dans cette maison qu'il a investie à partir de 1960, nous trouvons des objets qui datent des années 20. Tout simplement parce que quand il a quitté Paris en 1931, il a tout laissé à son épouse Yuki, qui a tout mis en garde-meuble et qui, très tendrement, lui a restitué quand il est revenu en 1950. Et ça aussi, c'est une particularité, c'est quelqu'un qui n'a jamais abandonné ses compagnes. Il a aidé financièrement aussi bien Yuki que Fernande, sa première épouse. Et nous avons des lettres de remerciement de Fernande, qui était en grande difficulté financière à la fin de sa vie, et que Fujita a aidé et soutenu. C'est une autre consécration du sport que vient de prononcer l'éclatante exposition des peintres témoins de leur temps, à laquelle le ministre des Arts et Lettres, M. Bordeneuve, a apporté l'estampille officielle. 1957. Les marcheurs en forêt de Charlot nous indiquent, comme le rugby d'André Lotte, que cette réunion est très éclectique. Comme aussi l'opposition qu'on peut découvrir entre la parade de Fujita et le volleyball de Buffet. Et maintenant que les peintres ont parlé du sport, on aimerait aussi que les sportifs parlent de la peinture. À Paris, la galerie Petrides consacre ses salles d'honneur à une exposition des œuvres récentes du peintre japonais Fujita. 1964. L'inspiration est personnelle et nous voyons comme une sorte de synthèse de l'art extrême oriental et de l'art occidental en l'œuvre de Fujita. Alors Catherine Deleuze, est-ce que vous pouvez nous présenter ce bâtiment, cette petite chapelle? C'est une petite chapelle d'inspiration romane qui a été donc construite par Fujita avec l'aide de René Laloux. René Laloux qui était le président du Champagne Moon que nous avons juste en face et qui était ami et parrain de Fujita. Oui, que faisait Fujita à Reims? Fujita a une première visite à Reims avec Georges Prade qui était ami de René Laloux dans la basilique Saint-Remy. Et donc ils vont se recueillir sur le tombeau de Saint-Remy qui est le saint évêque de Reims et Fujita va avoir une illumination mystique et il décide de se faire baptiser. Et donc il se fera baptiser en 1959 et ensuite il décide de faire construire cette chapelle, donc Notre-Dame de la Paix en même temps par rapport à tout ce qui s'était passé au Japon avec les bombes à la fin de la guerre. Et donc pendant plusieurs années, ils vont chercher un terrain. Et finalement, René Laloux va racheter ce terrain au Champagne-Mou. Et il va l'aider, il va mettre tous les moyens à sa disposition pour construire la chapelle. Donc c'est à Reims que se fait la révélation et la décision de la conversion de Fujita. Voilà, tout à fait, oui, oui. Donc ce sera une grosse manifestation, le baptême, c'était en octobre. Et il y aura tous les journalistes parisiens qui sont là. Pour l'époque, c'était assez innovant. Et c'est vrai que quand on voit les photos, on a l'impression qu'il avait vraiment de la peine à se frayer un chemin dans toute cette foule qui était autour de lui pour son baptême et pour le baptême de son épouse Kimiyo, puisque son épouse s'est fait baptiser également à cette occasion. Fujita, le dernier des Montparnasse, vient de se convertir. Après 50 ans de peinture délicatement mondaine, il va signer désormais de son nom de baptême, Léonard, des tableaux édifiants. 1959. La cérémonie qui va commencer maintenant est une cérémonie sainte. C'est un événement important. Non pas d'abord, parce qu'il s'agit du baptême de M. Fujita et de Mme Fujita, mais parce qu'il s'agit d'un baptême. Et que le baptême est une chose très simple. La cérémonie commence à l'entrée de l'église, où le catéchumène et la catéchumène viennent demander à l'évêque de les accepter dans l'église où ils recevront la grâce du Christ. Quel est votre nom? Léonard. Léonard, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Dis quoi? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né et qui est mort pour vous? Dis quoi? Croyez-vous aussi au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Dis quoi? Léonard, que demandez-vous? Le baptême, le baptême. Baptême. Voulez-vous être baptisé? Je le veux. Je crois que c'est uniquement un événement médiatique et en plus qui occulte complètement un pan entier de l'histoire intellectuelle, de l'histoire culturelle japonaise et plus généralement asiatique de la fin du 19e, début 20e, à savoir un mouvement de conversion au christianisme important, en particulier dans les milieux intellectuels, artistiques, bourgeois. Donc des chrétiens japonais parmi les artistes et intellectuels de la génération de Fujita, il y en a plein. Un grand écrivain comme Endo Shusaku, par exemple, est une figure des intellectuels chrétiens au Japon. Il y en a bien d'autres parmi les artistes aussi. Donc, non, rien de notable du point de vue japonais. 1966. C'est sans doute lorsque, il y a 7 ans, il franchit pour être baptisé l'admirable porche de la cathédrale de Reims que Fujita rêva de décorer une église. Dans le petit sanctuaire qu'il a conçu et dédié à la fois à la Madone des Vignes et à la cathédrale gothique, Tsuguharu Fujita, devenu depuis sa conversion Léonard Fujita, a travaillé 10 heures par jour pendant 3 mois pour réaliser la décoration. À 80 ans, c'est une performance. 100 mètres carrés de fresques qui représentent des scènes de l'Évangile et où l'on retrouve toujours sous le pinceau précis qui caractérise l'école orientale la minutie du dessin. L'art sacré attire décidément les artistes, puisqu'après celle de Matisse et de Cocteau, voici les fresques religieuses signées Fujita. Donc là, nous rentrons dans la chapelle. Catherine Delot, conservateur en chef au musée des Beaux-Arts de Reims. C'est un petit peu fraîche là en ce moment, on va dire, puisque donc elle n'est pas chauffée naturellement. Mais donc on a un petit peu toutes ces fresques qui sont vraiment exceptionnelles. Et il faut noter que tous les murs sont recouverts de ces fresques. Tous les murs sont recouverts de ces fresques. C'est une technique très particulière qu'il faut réaliser rapidement, puisque donc il faut réaliser ça morceau par morceau quand l'enduit est encore frais. L'erreur n'est pas possible, on ne peut pas revenir en arrière, ou alors vraiment ça va se voir. Et donc il a réalisé énormément de dessins préparatoires pour ses dessins. Alors, que peut-on dire de ce programme iconographique adopté par Fujita pour sa chapelle? Déjà, on retrouve Fujita là-bas dans l'angle. Vous le reconnaissez grâce à sa coupe de cheveux un peu particulière. Et il est à côté de René Laloux, justement, son mécène, son parrain, son ami. Ils sont représentés sous la forme d'un groupe de pèlerins en prière. D'un groupe de pèlerins, voilà, il y a le Christ en croix avec les deux larrons. Et vous avez Fujita et René Laloux qui sont au pied de ce calvaire. Alors les scènes de la vie du Christ sont un petit peu dans le désordre, c'est ça qui fait un peu l'originalité de la chapelle. Donc nous avons là-bas le lavement des pieds, nous avons ici la naissance du Christ, donc on a la crèche, j'allais dire, imaginée par Fujita avec les animaux qui ont un aspect un petit peu particulier. On retrouve toujours ces petites filles et ces visages qui sont si connus dans l'œuvre de Fujita. On a également beaucoup d'études de drapé. Quand il a étudié, avant de faire ses fresques, il a fait des séries d'études de drapé, un petit peu à la Léonard de Vinci. C'est pas pour rien qu'il a repris le nom de Léonard à son baptême. Ensuite, vous avez le portement de croix, où on voit ce Christ qui fléchit sous le poids de la croix. Peu de temps après, il va tomber malade et donc il va terminer les fresques en août 66. La chapelle sera donnée en octobre 66 à la ville de Reims et donc il va tomber malade peu de temps après et décéder assez rapidement. C'est dans la cathédrale de Reims qu'ont été célébrées ce matin les obsèques du peintre Léonard Fujita. 3 février 1968. Madame Fujita et les membres de sa famille étaient entourés d'une foule d'amis, de personnalités, parmi lesquels l'attaché d'ambassade du Japon et M. Tétinger, député-maire, ainsi que de nombreux représentants du monde artistique. À l'issue de la cérémonie, la dépouille mortelle de Léonard Fujita était conduite au cimetière nord de la ville. Dans quelques semaines, elle sera transférée en la chapelle Notre-Dame de la Paix, chapelle que Fujita avait dessinée, décorée en y donnant la dernière expression de son talent. Comme le disait son ami, Mgr Béjot, cette chapelle n'aura que plus de valeur si son corps y repose. Du reste, on l'appelle déjà la chapelle Fujita. Le corps de Fujita, après sa mort, a voyagé un petit peu, puisqu'en fait, il a d'abord été enterré rapidement dans un des cimetières de Reims. Ensuite, il a été enterré ici. Il y a eu des petites divergences, puisque Kim Il-ho souhaitait avoir le corps de son époux près d'elle à Villiers-le-Bacle. Donc, le corps de Fujita est reparti à Villiers-le-Bacle. Et quand Kim Il-ho est parti revivre au Japon, elle a relu les écrits de son époux et elle s'est rendue compte qu'il souhaitait vraiment être enterré dans sa chapelle. Et donc, c'est ce qui a été fait. En 2003, nous avons remis le corps de Léonard ici dans la chapelle. Et ensuite, Kim Il-ho, qui est morte à Tokyo, son urne a été rapatriée à Reims. Et donc, ils sont tous les deux ensemble réunis. La mémoire de Fujita, elle a évolué au cours du temps. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce peintre, donc c'était lorsque je faisais ma thèse, qui porte en bonne partie sur lui, au cours des années 1990, j'avais vraiment le sentiment qu'il était une figure plus importante en France qu'au Japon. Son nom encore complètement lié à la question de la responsabilité des intellectuels et des artistes dans la guerre, un problème épineux, douloureux, qu'on commençait à remettre sur le devant de la scène, mais tout doucement. Alors qu'en France, pour moi, Fujita faisait partie de cette école de Paris. Il était associé à Modigliani, Soutine, Enfant. Ce sont des noms que j'ai découverts très tôt, que j'ai retenus facilement lorsque je feuilletais les catalogues que je pouvais avoir à la maison. Et je vois très bien qu'il y a eu un basculement qui s'est opéré depuis les années 90. Aujourd'hui, l'école de Paris, elle a à peu près disparu des mémoires en France. En revanche, au Japon, Fujita a été complètement réhabilité suite à ce travail mémoriel qui a été fait autour de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors que je pensais qu'au fond, il allait être réhabilité pour son œuvre tout entière, je suis frappé de voir que c'est peut-être à travers ses peintures de guerre qu'aujourd'hui il est réhabilité au Japon. Autrement dit, il y a aussi, depuis une dizaine, douzaine d'années au Japon, une lecture nationaliste de son œuvre qui facilite sa réinterprétation dans le discours national et dans le discours artistique en particulier. Merci à Sylvie Buisson, Catherine Delot, Michael Luquen et Anne Le Dieberdeur. Lecture, Elsa Dupuis et Daniel Königsberg. Traduction, Jamel Rabahi. Prise de son, Raymond Alboui. Mixage, Pascal Bénard. Fujita, le plus parisien des Japonais, une traversée des années folles, un documentaire d'Anaïs Quin, réalisé par Séverine Cassard. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter cette émission en allant sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, demain nous continuons notre série consacrée à l'histoire du Japon en nous intéressant à la condition des femmes au Japon et à leur histoire.